nabina usabwa munyenge inyala sibi lobeni mumusima sidi miara nika inu wanyombe na bele mo tomimbu mitumbande bate ya mohe tube alabe tomba si la ne tomba aye alabe tomba si la ne tomba we a mama miyomba we mama la pas vu non non non maman ne la pas vu non non non. Les mamans ne l'a pas vu, non, non, non. Binyome na l'oben, mato ilo tate sosenga. Mwendi mou mwawe, matete na moulema. Usiti me ananika, eno wanyande na bele mo. Tomi mboumi, tombande, bate ya mo etoube. Alave tomba, si l'ane tomba.

te rajoute haut. Pas qu'il fait le héto et acclamé. Chacun son tour sur le coiffeur. Que celui qui n'a jamais pêché, lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais pêché, lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais pêché, oh, jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais pêché, lui jette la première pierre. Tu dis à bas la corruption, pourtant tu es corrompu. Tu dis à bas les corrompus, pourtant tu es corrompu. Tu dis à bas les coquilles. Tu es un escroc. Toi tu condamnes le voleur. Pourtant tu es receleur. Tu dis à pas la corruption. Pourtant tu es corrompu. Tu dis à pas les corrompus. Pourtant tu es corrompu. Tu dis à pas les coquilles. Tu es un escroc. Toi tu condamnes le voleur. Pourtant tu es receleur. Ah oui, Lunga Lunga Chanema. Chipwa Rémi Gonon, le grand journaliste. Papa Kouchinga Sylvestre, tu es passé par Bamengo. Kouchinga, Kouchinga, Papa Kouchinga, Kouchinga, Kouchinga, l'ange Gabriel. Aujourd'hui arrive le jour de l'éternel, sera jugé. Aujourd'hui arrive le jugement de Dieu, sera jugé. Toi qui veux connaître la vérité là, tu as déjà dit des vérités à qui? Hein? Ngabani, parlez devant ta porte. De Dieu, sera jugé. Aujourd'hui arrive le jour du jugement. Oh, sera jugé. Aujourd'hui arrive le jour de l'éternel. Sera jugé. Aujourd'hui arrive le jugement de Dieu. Sera jugé. Oh. Tu payeras, en être fidèle, tu payeras. gagner. Il ne faut même pas jubiler, Amoumi. Le cas que t'as négligé, un autre va considérer. Mais quoi, moi, oh, tu payeras, Amoumi, oh, oui. Tu payeras, quand même fidèle. Un autre va considérer. Mais quoi, moi, oh, tu payeras mon bigot. Oui. Tu payeras. En même fidèle, tu assez. Payeras. Ça sent, ça sent. Tu payeras. En même fidèle, tu payeras. Rosine Memi. Michel King. Voilà des bannes et piscines, ma peine à des volontiers. Ma botte au maillot de bain, la mène ma way, badamwe. Où ça va être mon grand moment, gagne wana tete. Malaigne mon yo. Tu payeras. En même fidèle, tu payeras. Georges Constant Manchek. Mangondi Bola, Jackie Sawa de Konsamba. Sans les touches, sans les touches, Kamora Madura. Paul Itame Douglas. Sans les touches, sans les touches, sans les touches, sans les touches. millionnaire, million pour l'homme d'honneur. Personne ne pourra prendre la place de l'autre, mon frère. Personne. Ah oui. Vas-y, attends à la cour. Que vous soyez ministre, j'adore Périal. Le grand homme. Vous soyez footballeur, on mérite de battre pas. Que vous soyez chanteur, on s'amuse. Chacun a sa place. Simon, Pierre, Michele, Excellence, la place de l'autre. Ce qui a été choisi par Dieu, personne ne peut le changer. Ah ouais, c'est l'Éternel qui décide. Ce qui a été choisi par l'Éternel, personne ne peut le changer. Il n'a pas bon, l'homme d'honneur. Changer le destin de l'autre, mon frère. Tu ne pourras changer mon destin, n'est-ce pas? Chacun de nous a sa place ici. Il m'a vu. Nous sommes les héros, vous pouvez rien changer, oh. Bernard Okale à Brunei. Caroline Sylvestre Nguchenge. Sylvestre Nguchenge. Eric Fosso. Toujours humble. Serge Djapoum. Hervé Com. Docteur Ditalom. Ah oui. Albert Kebla. Valère Tchoumtchoua. B30. AF Institut. À Chapapa à Montréal. Vous pouvez rien changer. Bruno Mingo, le fils des deux soleils, Maître Pinci, Maître Roumeni, Jean Poulain, Maître Irène Tekmen, Paco Aruna, Maître Sim Emmanuel, Albert Jumachoa. De la planète Terre, Christian Michel, ça c'est à vous. Monument de Donkey, Jokotina, tous les DJ de la planète Terre, Christian Michel, ça c'est à vous. Vous êtes les héros. DJ Sam, DJ François. Passez sa tête. spécial Binda Jean-Pierre et Lynn Jok. Dans la vie, rien n'est facile. Habiter avec Maria, c'est pas du tout facile. Fakira. Habiter avec sa famille, c'est pas du tout facile. Fakira. Habiter avec le voisin, c'est pas du tout facile. Pour se supporter, Timothée Yamke, oh, pour se supporter, oh. Bania, président. Dans la vie, Alain. Habiter avec sa famille, c'est pas du tout facile. Cohabiter avec les voisins, c'est pas du tout facile. Habiter avec ses enfants, c'est pas du tout facile. Faut se supporter, supporter, oh, faut se supporter, oh. As-tu au nana maillon fort? La vie n'est pas facile. Diego. Vivre avec des gens, c'est pas du tout facile. Maman Minette de la vue restaurantielle de Belle. Premier. On y va tout le monde, allez on y va. Ça danse maintenant à la manière de mathématiques. Champion d'Afrique, l'homme des trois continents. Eba, eba, eba. Zibi de Yaoundé. Anne-Marie Tamo. C'est pas facile de vivre avec sa famille. Encore moins avec ses enfants. C'est pas facile de vivre avec sa famille. Magistré Serge Wamba, capitaine de Dieu, Patrick Eric, Guillaume Sarah, Lisette Coiffure, Ngakunda, Fanker, Dada, chef de Bapos, magistrat John John T. Dans la vie, rien n'est facile. Vivre avec les gens, c'est pas du tout facile. Joker le best-er. C'est pas du tout facile. Dans la vie, rien n'est facile. Habiter avec sa famille, c'est pas du tout facile. Faut se supporter. Ça dit moi les. Supporter, oh, faut se supporter. Automobile. Ahmed Baban, Capi de choc. Mon papa, Nunchu Joseph, le roi. t'ai aimé sincèrement. Ce n'était pas pour ton argent. Et moi je t'aimais, oh, sincèrement. Je ne suis pas tombé, oh. Je suis encore debout. Je suis encore debout, oh. Dieu m'a aidé, oh, après ton départ. Je ne suis pas tombé, oh. Je suis encore debout. Je ne veux plus te voir. Michel Gale de Lan. Ne m'appelle plus jamais. Le temps est passé. Tu m'as négligé, pourtant moi je t'aimais très fort. Me voir tomber, tu y as menti. Je ne peux pas tomber. Je ne suis pas tombé, oh. Michel Mbam. Je suis encore debout. Je suis encore debout, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mathématiques de petit pays, l'homme des trois continents. Tu m'as négligé, tu m'as refusé, tu m'as abandonné. Allumette Ferrari, elle est là. Remonter, remonter, remonter, remonter. Golpes, l'italienne. Araoule. Tu as cherché, tu as trouvé, je lui ai volé. C'est fini, je dis c'est fini. Tu as cherché, tu as trouvé, je lui ai volé. C'est fini, je dis c'est fini. Je ne veux plus de toi et ne m'appelle plus jamais. J'ai souffert de ton absence, j'ai été malheureuse. Aujourd'hui Dieu m'a aidé. J'ai souffert de ton absence, j'ai été malheureuse. Mais aujourd'hui Dieu m'a aidé. C'est fini, je dis c'est fini. Quand j'ai souffert, tu n'étais pas là. C'est fini, je dis c'est fini. Aujourd'hui que je suis devenu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Nyaga. Laisse comme ça. Papa n'était rien, maman n'était rien, papi n'était rien, mamie n'était rien. Je me suis battu comme un homme, comme un homme, comme un homme, pour devenir ce que je suis. Et au souffle de balance, mon pau. Papa n'était rien, maman n'était rien, rien du tout. Mamie n'était rien, papi n'était rien. Je me suis battu comme un homme, comme un homme, comme un homme, pour devenir ce que je suis. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Pour devenir un homme. Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Est-ce qu'il est écrit que si tu es né pauvre, tu dois finir pauvre? Dites-moi où il est écrit que si tu es né pauvre, tu dois finir pauvre. Faut compter sur ses efforts personnels. Tu dois bosser. Faut compter sur ses efforts personnels. Mais il faut travailler. Faut compter sur ses efforts personnels. Pour les bolouilles. Faut compter sur ses efforts personnels. Pour devenir un homme. Fils de tel, fille de tel, peu importe. Pourquoi citer ses parents pour parler de soi? On doit compter sur ses efforts. personne pour devenir quelqu'un. Aïs Chop Chop. Fils de tel, fille de tel, peu importe. Pourquoi citer ses parents pour parler de soi? On doit compter sur ses efforts. Personne pour devenir quelqu'un. Allez debout, le colonel Moutou Joël. Le travail est un moyen par lequel Dieu pourvoit à la nourriture de l'homme. Travaillez, car je suis avec vous, a dit l'Éternel. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. A votre avis, j'écoute qui pour réussir? Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. On peut partir du sous-quartier pour se hisser très haut. Il faut juste y croire. Samuel Eto'o à Yoube est devenu riche et célèbre. L'honnêteté est profitable. Sergio Polo, fils de pauvre. Mais on peut partir du bas quartier pour se hisser très très haut. Il faut juste y croire. Richard Bonanné, Aminta, artiste international. Georges Constant Mandjek. Rien, rien n'est impossible avec Dieu. Rien, rien n'est impossible avec Dieu. Rien, rien n'est impossible avec Dieu. Rien, rien n'est impossible avec Dieu. Sergio Polone à Daido est devenu président de Daido à Paris et roi. Emmanuel Ndomba. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Au nom Sylvain du Grand Moulin, manager à Londres. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Obio Nayaka Ferdinand, le mignon. Rien n'est impossible avec Dieu. Dagena Polika, le motivateur de tous les motivés. Jésus a travaillé avec une ardeur remarquable pour accomplir son ministère. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Qui observe le vent ne s'aimera pas. Ibrahim Kouyaté de mon amour Sali. Majesté Serge Wamba. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est au commandes. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends. Au nom Sylvain du Grand Moulin, manager à Londres. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Mon cœur me dit, monte. ce sera à toi pour la vie. Moi c'est du naturel, nous ne complique pas sa vie. Si tu as dit que c'est à toi, ce sera à toi pour la vie. Watema, mana watema, watema, aïe oh watema, watema, mana watema. Oh,

wanna money. Wonderful. Living on the day, you wanna money. Wonderful. So money. So money. So money, money, money, money, money. So money. So money. So money, money, money, money, money. Money, money, money, money. Okay. C'est... Pense que God te donne. Ne viens pas ici jouer les dons. Le truc c'est le ndolo, je n'aime pas le faux. Tu kiffes les colos, va voir et tôt. Laisse nous ndololo, ma mignango. Je kème du ghetto comme Martino. Hi, c'est... Mami Sara. Laisse ton nyanga. ABC, ABC. Wonderful. ABC, ABC. Wonderful. You ask me money. Wonderful. Now tell you say you ask me money. Wonderful. Simon Bonetti, you want the money. Wonderful. Baby Bonetti, you want the money. Wonderful. So money. So money. So money, money, money, money, money. Un pied devant, un pied derrière. Pied devant, pied derrière. On avance, on avance, on avance. Bloqué. Jean-Léopold Biloki. On recule, on recule, on recule, on recule. Poster. If you love me, oh. Caroline, strong picking. grand patron, salut Zio de Kilimanjaro, Abon, Gimme, Gimme Maka, Gimme, eh? I say Gimme, Gimme Bobby, Gimme, eh? I say Gimme, Gimme Maka, Gimme. Oh yes, moi c'est Azamo, eh? Edmond Ken, Edmondo Versace. Allez, levez le main, tout le monde, tout le monde en position. Ça va partir, Azamo, tous les gars. Ceux qui ne sont pas la cause de tes problèmes. dépend de ta situation. Pose toi la question, oh, si c'est toi, si c'est tes parents, oh, ou tes camarades qui ont péché, oh. Bye.